va te faire passer en priorité, Gérard, parce qu'il est sur un poste spécial à l'hôpital et qu'il pourra pas patienter. Si éventuellement tu veux lui poser des questions, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Alors, mon ami Gérard, ouais. Comment s'est passée l'opération? Bah bien. Merci. Bien, je pense que ça allait être plus dur, mais non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Ouais. Il n'y a pas eu de problème? Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut dire que tu vas te remettre à courir comme avant, comme tout le monde? Bah, attends, comme avant, pas tout de suite, hein, pendant l'immédiat, hein, dans quelques mois. Hein. Non, mais enfin, tu vas pouvoir marcher quand même. Ah, bah, au départ, je vais marcher avec des béquilles. Hein. Ouais, d'accord. Donc, on peut compter quand même sur toi dans 15 jours, 3 semaines pour le débat. C'est les... si une voiture, ouais, normalement, ça devrait tout va bien se passer normalement. Ça va être l'émeute, hein. Ouais, mais je te préviens, t'envoies quelqu'un, hein, parce que moi, je pourrais pas me déplacer. Ça. Mais oui, mais ça, tu sais très bien qu'on en parle en antenne, ça sert à rien de poser ces questions-là, on en parlera en antenne. Nous, on a une petite idée, éventuellement, si on faisait un débat sur la famille. Ouais, bon, on en rediscutera lundi de ça. Parce que je suis en lundi, alors. Il va arriver en émission. Il va pupiller des pieds et tout ça. Ouais. C'est vrai que tu vas plus sentir le fer maintenant. La rouille. Attends, l'autre, qui c'est qui vient de dire ça là? C'est Fildar. Gros espèce de petit con, hein. Voilà, espèce de connard, tu vois pas que c'est. Mais tu les as récupérés les vis ou pas? Et la plaque? Non plus. Parce qu'on les a vendus. Ouais, bah tant pis, tu démerdes, tu iras chez Bricorama comme Max il a dit hier. Et quand t'as une plaque, ça se passe comment? C'est comme une plaque d'immatriculation? Non, c'est des trucs spéciales pour les os, hein. Ouais, raconte-nous, c'est comment, mais quand c'est des vis, c'est pareil, c'est pas des vis comme on a à Castorama. Ah non, je te dis, tout le matos que j'avais dans la chambre, c'est un truc spécial pour les os, hein. Spécial jambe de Gérard. Non, pas spécialement pour les jambes de Gérard, mais pour tous les problèmes d'os, hein, parce que je suis dans un service orthopédique. Ah d'accord. On vous a demandé effectivement s'il y avait du rotin ou de la cajou. Non, ça n'existe pas ça. D'accord. Donc c'est ni en rotin ni en acajou. Voilà. D'accord, parce qu'il paraît qu'ils font de très jolis cendriers en rotin. Hein. Ouais, c'est ça. J'adore le rotin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es en forme. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est en forme. Ouais. Donc, combien de temps dure l'opération? Je te dis, je suis passé à 8h30. Je suis en montant. Attends, nous décrasser, il était midi. En tout, j'ai dû passer quoi, peut-être une heure et demie sur le bloc. D'accord. Bien. Mais, oui. Non, je voulais savoir quand ils t'ont vu, ils t'ont pas changé autre chose parce que quand même il y a du boulot. Et ta connerie, toi, le jour où tu vas te faire opérer, ils vont te changer ton crâne, toi, parce qu'avec tes conneries que tu dis, toi, ça vaudrait mieux que ton crâne. Ok, bravo. Mais t'as vu une clavicule en moins, une rotule, tout ça, un machin là. Et toi, t'as pas ta bite en moins pour éviter de baiser? Oh là là, il est en forme quand même. Ouais, mais en plus, j'ai envie de dormir, là, en plus. Je t'explique pas, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit, là. Mais en plus, t'en as pris plein le cul. C'est pas ça, c'est qu'avec le truc d'anesthésie pour endormir, là, c'est chiant. Bah ouais. Ça te gratte pas les fesses? Non. Ça se trouve, c'est un vieux scrunch bride dans le cul, là, il t'a oublié. Ouais, c'est qu'avec la crasse, quand j'étais venu. Tu n'avais pas à mettre l'aiguille, elle passait pas la seringue. Donc, à chaque fois, il pensait qu'il endormait, puis il endormait pas, c'est pour ça que ça a mis du temps. Attends, je suis encore un mec. Je suis sûr qu'ils lui ont fait un truc comme pour les chevaux, c'est piqûre de cheval et tout. N'importe quoi, t'es. Au lieu de lui dire, vous comptez jusqu'à 10, il dit, bon, allez, vous dites 5 fois, oh, c'est bon. C'est bon. Attends, quand je vois les deux espèces de crapauds là, de câbles au standard, tu vois comment que ça va leur faire. Bon, en tout cas, Gérard, ça nous fait bien plaisir de savoir que l'opération s'est bien passée et que tu pourras quand même être là dans 15 jours, j'en suis sûr. En tout cas, on est vraiment très contents et de toute la part de l'équipe, on te dit. Pardon, excuse-moi. Bienvenue à toi, l'homme qui valait 3 euros. N'importe quoi. Voilà, bon, en tout cas, on est bien contents. Il y a, en parlant de macaque, justement, tu tombes bien, il y a Sandy qui est là. Oui, rebonsoir tout le monde. Rebonsoir. Salut macaque. Ouais, ça va GG? Ça va macaque? T'as le moral? Ouais macaque. Il arrive à quelle heure Henri, Sandy? Comment? Il arrive à quelle heure chez vous Henri? Déjà Henri il a pas notre adresse, donc ça m'étonnerait qu'il vienne. Hein. Ah, il a donné. Il paraît qu'il va venir. Ouais. Non, bah il a qu'à essayer de venir, on verra après. Toi Gérard, ça te perturbe? Ça te gêne pas finalement qu'elle ait une aventure avec Henri? Ouais, mais moi, de manière... J'ai pas eu d'aventure avec Henri, arrêtez avec ça. Moi, chacun fait ce qu'il veut, moi, je veux plus en entendre parler, moi, c'est tout, maintenant, ça... Ah, voilà, c'est comme moi, c'est... bon, il s'est passé... D'ailleurs, s'il y en a un qui a donné l'adresse, je dépouille les deux du standard. Ah, non, t'inquiète, personne n'a l'adresse, ils savent même pas où tu es. Bah, si, parce qu'ils ont... Sandy est venu hier me voir, elle m'a dit que, comme quoi, qu'ils avaient l'adresse pour que vous veniez aujourd'hui. Mais non. Surtout, faut pas qu'il sache l'adresse, parce que sinon, ça va être les notes. Passe-moi le PD de Fildar. Il est là. Salut, ma grosse. Mais grosse pute, pourquoi il t'a téléphoné hier pour avoir l'adresse et que vous êtes pas venu? Bah, parce qu'on n'a pas pu aujourd'hui, mais on voulait venir te voir. Et alors, dans ces cas-là, t'avais qu'à dire que tu pouvais pas, tête de macro. Bah, si je peux pas venir te voir, je vais pas te le dire, quoi, c'est tout, quoi, je viens pas. Il m'a demandé, Fila, il m'a demandé quand même l'adresse en rantaine, hein. Bah oui, pour avoir le numéro. Bah oui, évidemment. Bah là, mais t'avais, en plus, on te dit de rappeler après l'émission pour te donner le numéro de la chambre pour que tu trouves plus facilement, peut-être de... Ça y est, je lui ai donné le numéro de la chambre et c'est tout, hein. Non, mais on n'avait pas de masque à gaz et tout, donc on n'a pas pu. Enfin bon, ça nous fait bien plaisir. Eh ben écoute, sur ce, Steve Austin, on va te laisser. Ah, tu sors quand? Excuse-moi, je viens demain. Hein? Tu sors quand? Dimanche, lundi. Ah bah il faut aller le voir. Ouais. Bon, vous allez le voir, vous. Ouais. D'accord, on va te ramener des cadeaux demain. Ouais, on va te ramener des trucs. Bah ouais. Hein? Me ramène pas des bananes parce que je te les fous dans ta gueule. Mais non, t'inquiète pas, ils vont te ramener des cadeaux, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Merci en tous les cas, Gérard, de ton bon esprit, puis ça me fait plaisir d'entendre que t'es déjà vif d'esprit, que tu peux tout de suite déconner. Tu peux nous faire une petite blague, là, ou... Ouais, non, je suis encore sous le choc, je suis trop machiné. Eh ben voilà, t'es trop machiné, je suis encore sous le choc, il vient de nous faire rire. Bravo encore, Gérard. À très vite. En ce qui me concerne. Oh là là. Et puis moi, faut. Ah ouais, info. Voilà. Wow. Ouais. Il est temps qu'ils prennent des vacances, faut qu'ils retournent à Miami, là. Exactement, j'allais te le dire. Bon, bonne bourre à toi, merci encore, Sandy. Merci à vous. Allez, bisous, bonne bourre. Ciao. Okay, ciao.